Tiens, bonjour Noémie, ça fait plaisir de te voir. Ça va ? Oui, bien. Merci. Et toi ? Pas mal, merci. Tu vas au travail ? Oui, je vais prendre le bus. Au fait, vous vous connaissez ? Non. Alors, voici Léo, mon voisin. Noémie, une ancienne collègue. Bonjour. Eh bien, mon bus arrive. Je vous laisse. Bonne journée et à bientôt ! Au revoir, à la prochaine ! Dis bonjour à Renaud de ma part.